This is something special about music. Trust the DJ. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What? Allez, j'arrive. Ça va, tout le monde va bien? Bon, une petite émission spéciale mix et radio aujourd'hui. Alors, voilà, il y a le numéro en bas de l'écran. Voilà, les zinzins! Tout le monde va bien? C'est bon ça, hein? Emily, salut. Anna, Alexandra, salut. Joel, salut. Lulu, salut. Seb, on prend la radio. On prend la radio encore. Tout le monde va bien? Ah, pas de panique. Pas de panique, je tousse. Ça va aller. Ah, j'espère. Là qui va là, les zinzins du matin. Salut Didier, comment tu vas? Bien, bah écoute, il va toujours, hein. En pleine forme, toujours bien, pas de problème. Ouais, oh, en pleine forme, ouais, en forme, on va dire, ouais, ouais, pas ça va pour la forme. Et bah disons que la sortie me manque un petit peu, mais bon, on fait avec. Ah, bah comme tout le monde, hein, d'ailleurs, et hein. Bah ouais, ouais, voilà. Ouais. Voilà. Alors, on dépense son énergie en écoutant Francky. Ouais, t'as fait quoi ce week-end? Ouais. Oh, ce week-end, plein de choses, puis pas grand-chose. Ouais, si, j'ai fait un petit peu de bronzette sur mon balcon. Ouais, moi aussi, par la fenêtre. Ouais, ouais. Quand t'as pas de et balcon. Puis, voilà, bah, j'ai regardé un petit peu l'extérieur. Je vois que la nature, elle est en train de reprendre son droit, ses droits. Ah ouais. Faudrait que j'aille tourner la pelouse quand je serai autorisé au sec, justement, parce que la pelouse... Ah elle, ouais. Eh, c'est un champ, là-haut. Ah ouais, bah nous aussi, bientôt, on va pouvoir faire les foins. Ouais, c'est ça, ouais. Faites gaffe aux rhumes des foins, il y en a qui ont des allergies en ce moment, comme moi le premier, hein. Ça commence à arriver. Hein. Ouais, bah ouais. Faut faire attention au pollen, ouais. Ouais, le pollen en ce moment là, moi ça y est, hein, je suis dedans. Hein. Ouais, bon, t'as les yeux qui mouillent, t'as les narines qui pleurent. Tant que c'est les yeux qui mouillent, ça va. Ouais. Salut Jean-Pierre. Bon, alors, quoi de beau aujourd'hui? Salut Jean-Pierre, ok là, salut Sandra, je les salue, salut Fred, salut Aurélie, vous allez bien la famille? Alors aujourd'hui, je fais la radio mix, hein, il y a les deux, hein. Maintenant je fais les petits mélanges. Salut Aurélie qui est là. Ouais, je fais mon émission en direct. Yes, bah ben voilà. Alors le programme aujourd'hui, il est pas mal le programme aujourd'hui. Hein. 11h15, ouais. On aura Annabella qui sera avec nos téléphones si tout va bien. Annabella qui est dans l'auto-école, bah, qui est confinée aussi, on va nous expliquer un petit peu. Ouais, les auto-écoles sont pas très la galère pour eux aussi, hein, comme beaucoup de gens. Et justement, elle nous expliquera comment se passe le confinement, l'auto-école, la reprise, l'après, l'avant. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour elle? Voilà, ça c'est pour démarrer à 11h15. Pas mal, hein, déjà. Hein. Ouais. Je vous ferai une petite météo rapide, à moins que Stéphanie nous appelle, nous fasse une météo, on verra. Hein. Il y aura mon pote, le rappeur Pepelos. Alors, on le connaît bien sur Orléans, le rappeur connu sur Orléans. Ouais. Je l'avais rencontré à Arc-en-Ciel, il était sur l'interview au Pelmien. Ouais, super mec, super grand rappeur d'ailleurs, qui cartonne, hein, faut dire ce qu'il est. Et puis il a sorti un titre sur le confinement, justement, ça s'appelle Confinement, voilà, tout simplement. Et on l'écoutera, on l'aura au téléphone aux alentours d'11h35, 11h40 à peu près. Pas mal. Ouais, ok, ouais. Ah, ouais, tout à fait. Et puis, bah, j'ai quelqu'un aussi qui a repris le boulot aujourd'hui, qui s'appelle Ludovic. Ludovic est grutier, t'imagines, toi, grutier. Ah, ouais. Il doit regarder toute la misère du monde, là, ouais, depuis ses, ouais, ouais, sa hauteur. Alors, il m'a envoyé une photo à 25 mètres de haut, là. On fera le direct avec lui aussi, il nous expliquera. Il a repris le travail aujourd'hui, Ludovic. Et ouais. Il nous racontera un petit peu justement comment que ça se passe la reprise quand on est au perché. Au moins il est tout seul. Le confinement dans sa cabine tout seul, ouais, tout à fait. Ouais. Au moins il est peinard, il est tout seul. Ah bah ouais. Il y a la bande des femmes du Loiret qui vient de se connecter. Salut Benoît Billard, que je salue au passage. Salut Dominique aussi, salut Thomas. Bienvenue dans notre émission radio de la musique et puis de l'interview aujourd'hui. Voilà, histoire de passer une heure ensemble. Et Didier, alors le programme de cet après-midi, c'est quoi toi? Oh bah moi cet après-midi, bah, tu sais, je zappe entre les différents lives, ouais. Bah, de la lecture. Je vais classer quelques photos aussi parce que j'ai un petit peu de boulot à ce niveau-là. Ouais. Ah, j'ai quelques milliers de photos à classer. Hein. Ah ouais, carrément, toi, t'as des milliers de photos, toi. Ah bah, tu sais, tu connais mon boulot, hein, je suis photographe. Donc, ouais, C'est facile aujourd'hui, là, d'être photographe. Ah non, ça. Là, aujourd'hui, non, c'est mort. Salut la voisine, salut Benoît. Ouais, c'est mort, ouais. Hein, comme beaucoup de choses, ouais. D'ailleurs, malheureusement. Ouais. Bah ouais. Déjà que la profession, bien avant le confinement, elle avait pris un coup. Ouais. Avec nos amis smartphones et les pseudos vrais photographes, les faux photographes. Ouais. Vrais photographes et photographes. Et tout ça, et donc, voilà. Donc, là, plus ça, bah, ça a été le coup de fin, là, le coup de masse. Bon, bah, je t'embrasse. Salut Pascal, tiens. Ok, Pascal. Bah, moi aussi, mais de loin. Ouais, avec Pascal de la radio qui fait les jingles, justement, on va l'entendre. Salut Didier, allez, bonne journée à toi. Prenez soin de vous, restez chez vous. Ciao, ouais. Ciao. Salut mon Pascal qui est connecté, là, bah, justement. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Eh ouais, le confinement, c'est autrement. Salut Pascal, merci pour le jingle. Salut Fred, salut Nico qui vient de se connecter. Merci d'être là aujourd'hui. Dans 10 minutes, on va appeler une auto-école. Elle s'appelle Annabella. Elle nous raconte son confinement avant, après. Comment ça va se passer, le retour ou pas. Et ben voilà, de bonnes questions qu'on lui posera. Puis ça peut être intéressant aussi de savoir comment ça passe la vie chez les gens. Hein, c'est important aujourd'hui. On est tellement nombreux à être confinés, bah beaucoup même, tous d'ailleurs. Et puis on aura aussi à 11h30, il sera dans nos studios, au téléphone plutôt, Pepelos, le rappeur orléanais, mon ami, qui vient de sortir un nouveau single qui s'appelle Confinement, justement. Eh bien, il va nous raconter un petit peu tout ça aussi, comment se passe du côté du rap, le confinement. Salut Benoît Billard, la bande FM du Loiret qui est là. Salut Nico, salut mon Nico, ouais, plein de bisous à vous. Et puis on aura à 11h45, on vous l'a dit à peu près, notre grutier. Il est à 25 mètres de haut en ce moment, il travaille, il mange là-haut à midi. Donc on sera en direct depuis sa grue tout à l'heure. Et ça va être du très très lourd. Julien qui est là, tout le monde va bien, la famille. Et ben on va démarrer cette émission avec du son aussi. Tiens, Annabella, tiens l'auto-école qui est là. On la salue Annabella, salut Annabelle aussi qui est là. Salut Manu, Jelin, vous allez bien la famille. Et puis on démarre avec du son latina. Allez, avec Sauf. Pensare di una luce, a me dammi una luce. Si on à deux, on viserait le sommet. Et j'suis ennuyé, tant pis enjoué. On fera comme à la télé, personne pour nous téléguider. Et on irait à Monaco, Puerto Rico. On laissera ton bois, c'est ton passé dans le rétro. À deux, on fait la paire, un peu comme dans Django. Mano dans la mano. Mojito sur la playa, pourrir sa papaya. Cigario de Havana, à la tour du Montana. Et mes parties de là, on fait la remontada. On fait un million à Bali ou Panama. Mojito sur la playa, pourrir sa papaya. Cigario de Havana, à la Tony Montana. Et même parti de rien, on fait la remontada. On fait un million à Bali ou Panama. Elle m'a fait chanter, elle m'a fait chanter, elle m'a fait chanter. Elle m'a fait chanter, elle m'a fait chanter. Elle m'a fait chanter, elle m'a Avec un chouette, à l'eau du difficile. Regardez en chez tu m'as pris pour cible. J'suis pas d'humeur à rigoler ces temps-ci. Mais j'applique à ce truc qui laisse pas insensible. Viens, j'te fais la bourre comme un Napolitano. Viens, j'écrase mes adversaires comme si j'étais Rambo. C'est toi qui passe les vitesses, on ira crescendo. Et on est pas tous tombés comme des dominos. Rito sur la playa, pourrir sa papaya. Cigario de Havana, à la Tony Montana. Et même parti de rien, on fait la remontada. On fait le million à Bali ou Panama. Ojito sur la playa, oye sa papaya. Cigario de Havana à la Tony Montana. Et même parti de rien, on fait la remontada. On fait pas le million à Bali ou Panama. Elle m'a fait chier, elle m'a fait chier. Elle m'a fait tomber, elle m'a fait chier. Le temps s'est arrêté, la noche. Et dans mes amis, la noche. Elle m'a fait chavirer, la noche. Elle m'a fait tomber, la noche. Le temps s'est arrêté, la noche. Et dans mes amis, la noche. Radio Francky, bah c'est comme, comme à la maison, comme à la radio. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Ouais, le confinement, c'est autrement. Dans moins de 7 minutes, on aura Annabella au téléphone. Elle dirige une auto-école. Ben, elle ne travaille plus. Elle nous expliquera un petit peu pendant le confinement, l'après-confinement, comment ça se passe. Et ouais, pas facile pour tout le monde en ce moment. Et comment ça va se passer après le retour, surtout. Bah ouais, dans moins de 10 minutes, on aura Pépélos, le rappeur orléanais, ça sera 11h30. Et puis il est à 25 mètres de haut, il sera aussi avec nous, le grutier, célèbre Orléans, il s'appelle Ludovic. Il est en ce moment à plus de 25 mètres de haut, il sera en direct avec nous, il a repris le travail aujourd'hui. Il nous expliquera comment se passe son boss. Eh ouais, et puis du son latina. Allez, avant l'interview de Annabella au téléphone avec Luis Fonsi, le titre qui nous a marqué, on aimerait bien retourner à cette époque. Salut Gaël, salut Cyril Guénaud, tu peux nous appeler Cyril là, si tu veux. Hein. Salut Eric, qui est là aussi. Allez, soyez la famille, soyez là, on est en live. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito, despacito, que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero dibujar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, ves, ya tengo toda mi piel esperándote. Tengo el borde todo el bote hoy. Y como te llevo hasta el punto de no volver. El imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se hace el impulso. Oh, sé que te estoy gustando más de lo normal. Que tus sentidos van pidiendo más. Vamos a tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero dibujar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Il y a du monde de connecté là. Salut Séverine, salut Annabella, salut Djerba, salut Eric. Bienvenue sur Radio chez Francky en direct. Notre invité qui arrive dans moins de 5 minutes. en direct de chez Francky Radio, le confinement c'est autrement. Ouais, le confinement c'est autrement. On vous souhaite une bonne matinée. Salut à Sève qui est là, la sportive. J'espère que tu fais un peu de sport en ce moment, Séverine. On aura Nabella dans moins de 5 minutes au téléphone. Salut Eric, salut Joe, salut Fred. Les zinzins sont là, bah ouais, nombreux et nombreuses comme tous les jours. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On a du son qui arrive. Oh my chica. Et puis juste après, ça sera en direct Annabella dans les studios de la radio. Et ouais, au téléphone. Salut Vivine, allez, Latina. Je suis prêt à tout faire pour toi. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il faut voir comment elle bouge sur la musique. Je me fais perdre le contrôle. Contre la zone. Je perds le contrôle. Mon jeu qu'elle est bonne. Pour ma chica, je suis prêt à monter des deux mètres bas. Ouais, notre amour est qu'à bien d'elle. Ne t'approche pas trop près de ma chica. Pour elle, j'ai tout quitté. C'est elle la patronne dans mon hacienda. Sur Radio chez Francky, bienvenue en direct. Salut Stéphanie Avalli, la météo tiens pour aujourd'hui, cet après-midi, demain, on vous fait la météo. La météo. La météo pour aujourd'hui, bah, cet après-midi, vous allez voir, ça va se gâter un petit peu. Je sais pas si vous ouvrez la fenêtre, là, ça change d'hier, hein. Il n'y a pas de soleil, quasiment pas. Les températures aujourd'hui, bah, on va pas dépasser les 14 degrés. Et cet après-midi, malheureusement, la pluie est de retour. Ah là là, mauvaise, mauvaise nouvelle. Bah bon, c'est pas grave, on fera avec. Et puis demain, bah, bonne nouvelle demain. Un petit peu de soleil, un petit peu de nuages. Les températures au lever du jour, il fera 8 degrés jusqu'à 22. Les meilleures nouvelles arrivent, c'est mercredi, du soleil et que du soleil. Et on va frôler les 23 degrés. Et attention, jeudi, ça va être soleil et un petit peu de nuages, mais on va dépasser 24-25 degrés. Voilà des bonnes nouvelles. Et puis Lucenzo qui arrive. Hey, Dame Reggaeton. Et puis on accueille dans moins de 3 minutes au téléphone Annabella. Je vois que tout le monde est là, mais sur la piste, le son guide tes pas, ouais. Laisse-toi enivrer sur un beat reggaeton. Le son est bon, pas besoin d'en faire des tonnes. Tout le monde est high, il y a des sexy ladies. Bientôt merci dans tout ce que t'as, oui, viens dans mon party. Dame reggaeton, c'est phénoménal. C'est dame reggaeton, le son est original, yeah. Dame reggaeton, dame reggaeton. Je lui mets en l'air, fais vibrer sur la dance hall. Dame reggaeton, dame reggaeton. Elle me rend dingue sur la piste, elle se donne. Je vois que tout le monde est chaud sur un son latino, tout y royalo. Je veux que tu danses pour moi, donne-moi tout ce que t'as. Bouge ton cœur de haut en bas, surtout ne t'arrête pas. C'est DJ, viens miser la session. Alors du reggaeton, fais monter la pression. Ce soir on fait la fiesta, hola como está. 100% latino pour toutes les señoritas. Dame reggaeton, dame reggaeton. tape reggaeton. Je voulais m'arranger, faire vibrer sur la dance hall. Tape reggaeton, tape reggaeton. Elle me rend quand sur la piste, elle se donne. Mais c'est tape reggaeton, papi, tape reggaeton. Je voulais m'arranger, faire vibrer sur la dance hall. Tape reggaeton, tape reggaeton. Na na na na na na na na yeah. Pulo, bailalo, papi, tape reggaeton, bailalo. Faire vibrer sur la dance hall, bailalo. Dame reggaeton, oh na na na na na na na na na yeah. Bailalo, papi, dame reggaeton, bailalo. Que vibre sur la dance hall, bailalo. Dame reggaeton, reggaeton, lady, yeah, yeah, yeah. Baila reggaeton, la musique est bonne, mami. Oublie le stress, oui, je veux que tu te donnes. Salut Delphine, tu vas bien la voisine? Salut Ludo qui est connecté aussi, on va appeler notre auto-école justement qui travaille pas. Elle s'appelle Annabella, on est en direct, on appelle, on numérote. Salut, j'ai le standard, j'ai tout. Hein. Allez, c'est parti. C'est la valise RTL et à 4000 euros à gagner. Allô. Allô, bonjour. À la vache, bonjour, elle est collée au téléphone. Hein. Oui, oui. Une sonnerie et t'as décroché, c'est énorme. Ah oui, je peux pas te suivre en direct et lâcher mon téléphone. C'est vrai. Comment va Annabella aujourd'hui? Ça va bien. Ça va, ouais. Comment, personnellement, se passe le confinement aujourd'hui? Bah écoute, j'ai probablement plus de chance que certaines personnes qui sont en appart. Moi, je suis en maison avec un grand jardin. Ah là là, ça c'est bon. Donc, j'ai pas l'impression d'être complètement enfermée. Donc, ça va. Ça va, ça se passe bien alors. T'as une piscine, non? T'as pas de piscine? Non, j'ai plus de piscine. Ah mince, ça serait bien, une bonne piscine avec le... Tu me diras, cet après-midi, il va pleuvoir. Oui, voilà. Bon. Oh, mais on a ce qu'il faut. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, je me suis dit, on va appeler pas mal de personnes tous les jours, hein, qui sont confinées, comme tout le monde d'ailleurs. Toi, tu as une auto-école, Annabella, qui est à... C'est ça. Explique-nous, tu es où? Je suis dans le quartier Saint-Marceau. D'accord, vers Saint-Marceau. Et ton auto-école s'appelle? Auto-école Saint-Charles. Saint-Charles, on salue tout le quartier de Saint-Charles qui nous suit en ce moment. Alors, l'avant-confinement, tout se passait bien, hein, avant le confinement. Tout était très bien. Voilà. Oui. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'arrive le corona. Jusqu'au 15 mars. Voilà, ben nous c'était le 13 pour les discothèques par exemple, vous c'était le 15. C'est ça. Voilà. Alors, résultat, aujourd'hui, après bientôt 3 semaines, hein, ça fait déjà 3 semaines, je crois qu'on est confinés hein, quasiment. Hein. Oui. Ouais. Comment se passe pour l'auto-école, justement, le confinement Bah, si tu veux, l'auto-école, pour le moment, à partir du. Nous c'est tombé le dimanche après-midi. Ouais. L'interdiction totale d'ouvrir, comme pour toi. Même chose. Ah, nous, c'est le samedi soir. Hein. Alors, moi, ce qui est énorme, c'est que les discothèques, on nous l'a dit. Alors, c'est vrai, hein. Je l'ai su à 20h le samedi soir. Nous, on ouvrait à 23h, hein. Je l'ai su à 20h, moi, hein. Ouais, à 20h, qu'on devait fermer à minuit. Alors, à savoir impossible, que la boîte. Impossible de se retourner, quoi. Impossible. Bah, en gros, la boîte, elle ouvrait à 11h. Donc, à minuit, il fallait fermer. Donc, autant pour ouvrir. Ah, donc, toi, t'avais tout prévu. Et tout prévu. En plus, il y avait encore les règles des 100 personnes autorisées, tu sais, dans la discothèque. Ouais. On voulait respecter ça et puis non, bah à 20h le premier ministre il a dit non. Alors ouais, c'est tombé comme un coup près. C'est ça, voilà. Comme les bars d'ailleurs, les restaurants que je salue, Xavier qui est là, bah il y a plein de gens, hein, ouais. Pas facile pour nous, pour eux, pour tout le monde. L'auto-école, alors du coup, bah perte de chiffre d'affaires, perte d'élèves. Perte totale dans le sens où là on a arrêté toutes les formations. Ouais. Donc les examens du permis de conduire ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Ouais, nous ouais. On ne peut pas faire tourner les élèves en voiture. Ouais. Alors on les fait travailler leur code pour ceux qui sont en formation théorique à distance. Ouais, ça vient c'est... Ouais, ouais. Donc là, c'est le côté un petit peu positif de la chose. Ouais. Mais à côté de ça, on n'a aucun argent qui rentre. Et par contre, on a tout à côté qui sort quand même. Ouais, bah oui. Alors bon, maintenant, l'État a mis des choses en place. J'espère que pour toi, ça, c'est le cas de bloquer les charges, etc. Oui, oui, c'est le cas avec tous les reports de charges, URSSAF, etc. Comme ouais, pour toi, ouais, hein, ouais. Tous les comme, loyers, etc. Alors, à savoir qu'attention, les charges, c'est pas annulé, hein, c'est reporté. C'est pas annulé, c'est reporté. Alors, on a quand même qu'on les paye, quoi. Quand tout va tomber, alors j'espère que ça arrivera pas tout d'un coup, hein, qu'on pourra. Bah, il va falloir qu'on demande le lissage, hein, on pourra pas faire autrement. Ouais. Alors, ce qui est rigolo. Bah pour moi ça me fait marrer aujourd'hui. Salut Xavier, ça me fait marrer parce que moi je me dis toi comme beaucoup de gens avait un établissement qui tournait correctement, puis aujourd'hui on va se retrouver avec des charges à payer qu'on n'avait pas, on va se retrouver avec moi un loyer par exemple, ou peut-être toi aussi un loyer à payer plus tard, même deux ou trois, voire trois loyers, plein de choses à payer alors qu'on n'avait rien à payer quasiment par mois, puis peut-être éventuellement un crédit parce qu'il y a un crédit avec les banques qui va s'organiser normalement. Donc en fait, on va se retrouver avec des crédits, des charges à payer, plein de choses à payer qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est énorme, hein. Bah oui, parce que ça va se cumuler, donc le problème sera pas réglé, quoi. Ouais, on comptait un peu sur nos assureurs que l'on paye un bras. Ah, les assurances. Ah, bah justement, tu me tends une perche là, ma chérie. Excuse-moi. Ah, putain. Ouais. Les assurances. Alors, comme toi, t'es assuré. Beaucoup de gens sont assurés en France, hein. Voilà, et donc les gens ne le savent pas, donc toi tu le sais évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, il y a des assurances obligatoires pour les entreprises, ah, et notamment ce qu'on appelle la perte d'exploitation. Voilà. Voilà, donc qui est fonction de notre chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Et puis bah là forcément les assureurs, ils s'assurent eux, mais ouais. Nous ils nous tournent le dos. Alors la perte d'exploitation, donc, si jamais notre entreprise ne tourne plus, ouais. Mais eux ils veulent rien savoir, ils veulent pas nous assurer sur cette perte de chiffre d'affaires. Ouais, ils veulent pas. Les assurances ne veulent pas prendre en compte pour le moment. Alors l'UMI, on met tout en place pour essayer de faire face à ça, hein. On attend encore des réponses, mais à mon avis, je sais pas ce que ça va donner. Par contre, on fait des pieds et des mains, mais je suis pas sûr que ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les assureurs reportent aussi les dates d'échéance, hein. Pas les loyers, on paye. Ouais, pas les loyers, Xavier. Ouais. Moi, je paye pas le loyer. Hein. Tu payes ton loyer, toi, ou t'es propriétaire, peut-être. Moi. Ouais. Ah, je suis locataire. T'es locataire, donc le loyer il est reporté quand même, ouais. Oui, le loyer est reporté. Bon bah ça va, donc tu t'en sors bien. Alors l'après, ça va être comment l'après? Les examens, permis de conduire, ça va se passer comment? Ça va être le bordel après, non? Non. Bah disons que l'après risque un petit peu d'être compliqué, notamment pour les candidats, bon pour nous aussi évidemment, mais on fera le nécessaire comme on le fait d'habitude. Ouais. Mais tous les examens qu'on a pu avoir ne seront pas récupérables. Ah merde. Donc on va recommencer entre guillemets, je sais pas moi, au mois de mai. Ouais. Comme si on recommençait à zéro. Ouais, donc, au lieu de nous reporter les places qu'on n'aura pas eues au mois de mars et au mois d'avril, en fait, on va repasser sur un mois de mai normal. Ouais. Donc, personnellement, avec entre 12 et 13 places. Ouais. Alors qu'avec toutes les places que j'ai perdues, là, je vais avoir perdu très exactement 37 places de permis. Ah ouais, ça représente déjà pour les gamins, c'est dommage. Et puis pour vous. Oui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns dont la plupart partent après le bac. Ouais. Voulaient passer leur permis de conduire avant. Ouais. On a tout fait pour organiser leur formation en conséquence et les présenter avant fin mai. Ouais. Et tous ces élèves-là, en fait, on ne pourra pas les présenter. Oh là là, et les examens qu'on va avoir au mois de mai, on va se retrouver à sélectionner de façon drastique les candidats pour présenter des candidats qui sont prêts. Ouais. Donc, ça va être des conduites accompagnées, des conduites supervisées, mais pas de formule traditionnelle parce qu'il faudra reprendre la T8. Ouais. Et là, ça va être très très compliqué. Ça va être dur. Alors, ils parlent toujours d'un permis moins cher. Là, ils vont avoir tout gagné parce que ça va être plus cher pour les candidats, quoi. Ouais. J'ai l'impression que Timon, que ça va un peu niquer un peu les vacances de cet été, tout ça, non? De toute façon, oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Je suis vulgaire, hein, mais j'ai envie d'employer des termes comme ça là, ce matin. Ah ouais, non, mais ça nous fait chier vraiment. Moi, ça me fait chier déjà pour mon entreprise parce que je. Bah, ça fait les boules parce que toute l'année tu bosses, ouais, comme beaucoup, hein. Il y a Xavier aussi, restaurateur, qui a des bars, etc. Xavier, on le salue. Bah, lui, il paye, le pauvre aussi, bah, comme beaucoup d'ailleurs. Ouais, on paye tous, hein. Ouais. C'est la guerre. Parce que ce qui est perdu ne pourra pas être récupéré, hein. Ah, c'est sûr. Et ça, c'est à la pour tout le monde. Ah, là, je vous l'assure. Ouais. Et ça, c'est à la pour tout le monde. Donc, ouais, moi, je suis inquiète pour mes candidats. Alors, moi, je voulais juste insister sur d'autres choses. L'EDF, par exemple, si vous êtes professionnel, attention, professionnel, l'EDF font des reports aussi. Alors, c'est que des reports, hein. C'est pas annulé. C'est que du report. Ouais. C'est que du report. Il y a aucun cadeau qui est fait. Je parle pas de votre pavillon ou votre appartement, hein. Non, s'il y a aucun cadeau qui est fait. Là, ça va nous permettre de souffler parce que il y a des factures qui ne seront pas présentées sur le compte bancaire, mais elles le seront plus tard. Et si plus tard on n'a pas le chiffre d'affaires pour compenser tous ces lissages de factures, on va le passer. Et ben voilà. Bon bah Nabella, en tout cas on te souhaite plein de courage pour la suite et puis vivement que tu reviennes à l'auto-école. On rappelle l'auto-école, c'est Saint-Charles. Si vous avez des gamins qui veulent passer le permis bientôt après là. Si t'as certains de tes de tes amis, que ce soit sur Facebook ou d'un autre blog ou n'importe quoi, s'ils ont besoin de réponses à leurs questions, faut pas qu'ils hésitent à me joindre et j'essaierai avec eux de trouver la solution qui va bien. Il y en aura forcément toujours. Et ben voilà, on va trouver une solution. Merci à Nabella d'avoir attendu. Je t'en prie. Bisous. Je t'embrasse. Bisous. C'est comme ça, hein, ça se passe le matin. Vous avez peut-être une question pour Annabella, vous m'appelez ici à la radio. Et puis du son caliente avec l'e-tourné qui arrive sur l'air franciel. Radio chez Francky. Salut Christophe Boudin. Ah, salut mon pompier préféré. Comment il va bien? Ça fait plaisir. Dans moins de 20 minutes, ce sera le rappeur orléanais qui sera avec nos téléphones. C'est Pepelos. Tout le monde le connaît, Orléans. Il a écrit un titre sur le confinement. On l'écoutera en exclu juste avant le direct. L'île de la Réunion en direct de chez Francky. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Et ouais, c'est autrement le confinement. Eric, il me dit t'as pas alliance technique. Ouais, je l'ai. Salut les pompiers là. Christophe Boudin qui est là. Il est au taf, il peut pas appeler. Ah, salut Patricia. 11h40 exactement, on aura Pepperos, le rappeur orléanais qui sera avec nous. Il a fait un nouveau single qui s'appelle Confinement. Je voulais vous en mettre un petit extrait, tiens, voilà, pour bien voir ce que c'est. Voilà l'horoscope. Hop, ça c'est pas l'horoscope. Voilà, c'est ça. Écoutez, juste pour vous donner l'eau à la bouche pour les fans de rap, c'est Pepelos, c'est ça, il a fait Confinement et il sera notre invité. Voilà. Mardi, je suis en confinement. Jeudi, je suis en confinement. Vendredi, en confinement. Voilà le petit extrait, il sera notre invité tout à l'heure au téléphone, le rappeur orléanais bien connu. Pepelos dans les cieux de la radio. Eh ouais, ça va me faire du bien de le retrouver, mon poteau. Et puis vous pouvez nous appeler juste avant moins 20 ici sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Voilà, le 06. Eh bien, allez-y, lâchez-vous sur le téléphone. Et puis du son qui arrive avec Kenji qui reprend Toi et moi de Greg. Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à, sans aller le temps, on serait juste toi et moi. Près d'ici ou là-bas, sans règle ni bien sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un verre de bouteille, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de vin, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai serein, si tu veux on y va. On serait juste toi et moi. Près d'ici ou là-bas, sans règle ni sans foi. veux, on y va. Et si on vit caché, et si on vit d'années, et si le temps s'étend, on frustre l'autre. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un verre de bouteille qui rend du rêve du miel. Quand tu veux, on y va. Bienvenue chez Radio Francky, on vous l'a dit, 11h40, il sera mon invité au téléphone, le rappeur orléanais Pepelos dans les studios, puis l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope pour ceux qui viennent d'arriver, alors on va démarrer avec les béliers. Cette journée sera simple, agréable et sans aucune tension. Les taureaux, les efforts de ces derniers temps vont être récompensés par une belle nouvelle. Les gémeaux, vos comptes bancaires semblent se stabiliser. Voilà la bonne nouvelle. Les cancers, vos idées seront soutenues par votre entourage et cela vous soulage d'un poids sans précédent. Les lions, ah les lions, il faudra rugir de plaisir, faites preuve de sang-froid face à une situation qui risque de vous énerver sérieusement. Les vierges, vous vous sentirez prête à prendre tous les risques nécessaires pour réaliser vos projets. Les balances, la chance revient dans votre signe pour vous donner un coup de pouce dans votre vie. Les scorpions, les différentes actions que vous menez en ce moment vont prendre forme doucement, mais sûrement. Les sagittaires, vos projets de voyage en amoureux, ah c'est beau l'amour, vont se concrétiser, ce qui va vous redonner le moral. Les capricornes, restez prudents dans vos petites dépenses inutiles. Ah ouais, surtout en ce moment. Hein. Les verseaux, même si votre vie familiale est un peu pesante en ce moment, vous aurez envie de lui accorder du temps. Bah du temps, on en a, on est tous confinés. Les poissons, enfin, maintenez le cap, les vents soufflent en votre faveur et l'horizon se dégage enfin. Voilà du son, dans moins de 7 minutes, c'est Pepelos qui arrive à l'entrée. Et juste avant, Jennifer Lopez sur Radio Funky. Y como un rey, la discoteca me gusta hacer. Me sentí volar al mirarme así. Tu sonrisa me bastó para llegar a mí. Para impresionar, estabas tú frente a los demás, brindando con champán, con tu vanidad y ese club de fans. En tu mundo te sentías como el mejor. Todo material, pero te faltó el romance. Para que comprar lo que es tuyo ya. Lo que busco en la tienda no se vende. Yo te pido más y no me lo das. Necesito amor, algo más real. Si no puede ser, ven y dímelo. Ya no puedo un día más, entiéndelo. Necesito más de lo que me das. El amor que siento no sé. Salut le Capda qui vient d'arriver, salut Lulu, coucou, bonne journée à tout le monde. Ouais, vous pouvez nous appeler avant moins le quart, on aura à 11h40 Pepelos, le rappeur français d'Orléans qui est dans le studio, au téléphone. Bah oui, dans le studio ça fait mieux, mais au téléphone il sera avec nous. Là il est au sport, ah ouais, il est chez lui en train de faire du sport, voilà. Salut Lulu, belle journée à vous. Si vous venez d'arriver, c'est Francky dans la radio. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Eh ouais, le confinement, c'est autrement. Il y a Did qui est là. Salut Did, ça va Lulu? J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. Ouais, et il sera au téléphone avec nous dans moins de 5 minutes. Pepelos, le rappeur orlanais. Puis à midi 10, il est à 25 mètres de haut. Il s'appelle Ludovic, il est grutier. Il a repris le boulot aujourd'hui. Eh bien, il va nous parler un peu de son confinement. Là, il est seul au monde. Hein. Et puis, bah, comment s'est passé le confinement, l'avant et l'après. Vous aussi, vous allez pouvoir réagir à l'émission. Salut Christelle qui est là, salut Samira, merci à vous d'être nombreux le matin à nous rejoindre sur Radio Francky en direct de chez lui. Salut Pierre, salut Christelle, ça va la belle Christelle? Et puis du son qui arrive, allez, Caliente, Flavel and Neto, c'est sur Radio Francky. C'est bon ça à l'époque, hein. Welcome à vous si vous venez d'arriver. Salut Sébastien. Salut à Djerba, il fait 27 degrés à Djerba la douce. Oh là là, on est bien. Pour passer des messages longs comme ça, c'est pour m'appeler. Hein. Il y a un numéro qui est là parce que là c'est trop long, je peux pas tout lire. Il y a beaucoup de monde qui envoie des messages. On est en direct, la famille, et ça me fait vraiment plaisir. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Salut Sébastien, pour passer les messages, appelle-moi Seb, c'est mieux, ouais. Salut, tous au 7, ouais, là, Fred, qui est là, la queue leu-leu, ouais, c'est Fred, salut mon Fred. 12h10, hein, à peine, on aura le grutier au téléphone, et il s'appelle Ludovic, ça va être énorme, on va bien se marrer avec lui, parce qu'il est à 25 mètres de haut, et ben, on va savoir comment se passe un confinement à 25 mètres de haut, puis il vient juste de reprendre le boulot, et puis dans moins de 2 minutes, le rappeur orléanais est au téléphone avec nous, il a fait un nouveau single, on va l'écouter dans moins de 30 secondes. C'est confinement, confinement. Juste avant, voici Pepelos. Faut qu'on analyse mon cas. Restez chez vous. Lundi, je suis en confinement. Mardi, je suis en confinement. Mercredi, en confinement. Jeudi, je suis en confinement. Vendredi, en confinement. On est de retour, on a été coupé. Dimanche au confinement. C'est le roi de Facebook qui nous coupe souvent. Pepelos qui arrive au téléphone dans moins de 10 minutes. Ça va les zazas, vous êtes revenus? Allez, désolé, c'est Facebook qui est coupé. Hein. Il est au téléphone avec nous dans 3 minutes, voici Pepelos. Confinement. Lundi son confinement. Mardi son confinement. Mercredi en confinement. Jeudi, je suis en confinement. Vendredi, en confinement. Samedi, je suis en confinement. Dimanche, en confinement. J'attends tranquillement. Restez chez vous, épargnez les médecins. Covid attaque, te prends, te laisse ancien. Fais pas cadeau aux jeunes et aux anciens. Prends soin des tiens, ouais, prends soin des miens. Corona veut nous faire. Le virus veut nous faire. Je regarde les faits divers. Y'a plus de morts qu'hier. C'est le moment de se souder, se tête par le coude. On se parle en vision, on se voit et c'est cool. Restez chez vous, il n'y aura aucune embrouille. Restez chez vous, il n'y aura aucune. C'est le moment de se souder, se tête par le coude. Je te passe mon salam par vision et c'est cool. Restez chez vous, il n'y aura aucune embrouille. Leader de l'opinion doit porter ses coups. Lundi j'en confinement. Mardi j'en confinement. Mercredi en confinement. Jeudi j'en confinement. Vendredi en confinement. Samedi j'en confinement. Dimanche en confinement. J'attends tranquillement. Si tu sors oublie pas le masque. Si tu sors oublie pas les dents et le masque. Si tu sors oublie pas le masque. C'est comme le T-Max jamais sans le casque. Tu sors oublie pas le masque. Si tu sors oublie pas les dents et le masque. Si tu sors oublie pas le masque. C'est comme le T-Max jamais sans le casque. Lundi j'en confinement. Mardi j'en confinement. Mercredi en confinement. Jeudi j'en confinement. Vendredi en confinement. Samedi j'en confinement. Dimanche en confinement. J'attends tranquillement. Faut qu'on analyse mon cas. Vendredi. Le rappeur Orlanais Pepelos qu'on va appeler dans moins de 30 secondes. Bougez pas la famille, l'interview il arrive. Pepelos. Franky Radio, le confinement, c'est autrement. Ouais, le confinement, c'est autrement. Bah ouais, c'est autrement. Et puis on appelle Pepelos, le rappeur. Vous avez écouté en direct son hit qui s'appelle Confinement. Voilà, Pepelos, qu'on devrait avoir au téléphone. Normalement, si tout va bien. Si la régie veut bien. Allô, Simone. Voilà, ça sonne, ça sonne. Ça sonne, ça sonne. Ah Pépé, on va rappeler en direct, hein, bougez pas la famille. Salut Lulu, salut Laurent, ouais. C'est Georges, je t'aime le quoi le lundi, lol. Je comprends rien ce qu'il me dit Laurent. Bref, je t'aime le mardi. Ah ouais, d'accord. J'ai pas compris Laurent ce que tu voulais dire. Alors 13-19, ouais c'est ça. Ouais, salut Laurent. Salut Pacalou, vous allez bien? Bon, il arrive. Bon, bougez pas, c'est pas grave. Alvaro Soler, et puis on retrouve Pepelos, l'interview, bougez pas la famille. Salut Laurent, salut Christiana. Venez connecter Pepelos, l'interview au téléphone, c'est loin, 2 minutes. Ah. Et moi j'aime bien t'es en blé direct, hein, ça c'est la vraie émission. Pepelos au téléphone avec nous. Bonjour oui, Pepe. Ça va Pepe? Ouais, ça va ou quoi? Ouais, Pepelos, rappeur orléanais, bien connu. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et c'est bien de monter. Hein, tu t'es fait tout seul Pepe. Alors je sais pas, on t'appelle quoi? Ouais. Moi je t'appelle Pepe parce que t'as un ami. Pepelos, Rose Pepe, comment on t'appelle? C'est ça. Exactement, c'est Rose Pepe la cosa nostra. Confinement. Ouais, ça va bien. Merci d'être avec nous là sur mon live en direct avec plein d'auditeurs qui nous regardent et puis qui attendent certainement ce bel interview de Pepelos. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Bon confinement à eux. Voilà. Et restez chez vous. Ouais. C'est important. C'est ce que tu dis dans ton nouveau single là, Pepelos. Confinement. Non. Après, ok, je vais faire une petite rectification, genre ouais, rectifier le tir, on va dire. Vas-y. C'est pas un hit, c'est pas un single. C'est un message de prévention, okay. On va dire. C'est de la prévention, voilà. Comme la prévention routière. Après ouais. Moi, tu me connais, je suis faire de la musique, donc si je peux envoyer un peu de force et un peu de love aux gens, surtout aux jeunes, puissent rester chez eux, c'est important. Ouais, c'est important, toi, pour les jeunes, surtout, parce que t'as l'impression que les jeunes respectent moins le confinement que nous, par exemple, les anciens. Pas forcément, tu vois, que ce soit jeune ou ancien, mais il est destiné à toutes les personnes qui sont susceptibles de ne pas respecter le confinement. Ouais. Il tue, top ce morceau, c'est ce que dit Cyril Guénaud, top ce morceau, honnêtement. Voilà, c'est ce qu'il dit. Merci, c'est gentil. Merci, Pépé. Dis-moi, Pépé, oui. Confinement, les paroles sont venues comment par rapport à l'actualité? Ce qu'on dit, portez les masques, etc., lavez-vous les mains. Ouais, par rapport à l'actualité, par rapport à la vie qu'on mène tous, parce que je pense que là, on est tous à part égale, on va dire. Ouais. Et qu'on est tous confinés, mais bon, c'est pour éviter que le virus fasse plus de mal à. à beaucoup de personnes et qu'on soit tous, enfin, qu'il y a beaucoup de personnes qui soient contaminées. C'est clair. Alors moi, te connaissant un petit peu personnellement, enfin personnellement, c'est un grand mot. Hein. Bah si, c'est ça, personnellement. Ouais, on est... Pas intimement, mais personnellement. Voilà, personnellement, on est de très bons amis. Ouais. Toi, je sais que t'as fait ça vraiment pour passer un message. C'est pas du commercial, parce que bon, à mon avis, après tout ça, il va y avoir des sons qui vont sortir commercial. Toi, déjà, ouais. Personnellement, ta musique, ben, tu vis pas forcément de ça, Pépé. Hein, c'est ce que tu me dis une fois. Tu m'as dit forcément. Non, parce que moi, à côté, j'ai beaucoup d'activités. Là, j'ai fait mon label, je produis maintenant. Ouais. On va dire que j'ai les uns un petit peu le pied, musicalement parlant. Mais bon, je kiffe toujours, je produis. Mmh. Mais bon, je lâche pas. Après, j'en vis pas, ouais, c'est un grand mot. Mais bon, après, il y a la SACEM, il y a YouTube. Mais ouais. C'est vrai que c'est pas ma première activité qui me permet de vivre ou de manger, on va dire. Est-ce que c'est dur aujourd'hui, le rap, pour en vivre? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur le net, tellement d'artistes qui arrivent. Est-ce que je trouve que c'est un bon signe. S'il y a beaucoup d'artistes, ça veut dire que la chose elle est plus ancrée aujourd'hui qu'avant. Ouais, c'est vrai. Non, il y en a pour tout le monde. C'est comme le foot. Il y en a pour tout le monde. Il suffit d'avoir du talent. Et puis il faut de tout pour faire un monde. Donc il faut toutes sortes de musique. Donc je trouve que c'est bien. Ouais, c'est ça. Comment il a démarré Pepelos à la musique? Grâce à Michael Jackson, paix à son âme. Paix à son âme. Ouais. Sur quoi? Sur Thriller? Non. Ouais, non, sur Bad. Bad, ah ouais, d'accord, Bad. Ouais, Bad. Pourquoi Bad? Ouais, parce que t'es un bad, toi aussi, tu bad. Ouais, d'après, quand j'étais petit, je croyais. Ouais. Non, parce qu'il dégageait, voilà, il dégageait un truc, Michael Jackson, lui, c'est toute mon enfance. Ouais. Voilà, je me suis imaginé, je me suis pris pour lui, j'ai dansé devant mon miroir, tout ça. Non, il m'a fait kiffer, lui. Il t'a fait kiffer. Après, le rap, il est arrivé, tout ça. Ouais, depuis Roule le Pepelos, on en est où? Ouais, depuis Roule le Pepelos, ouais. Bah là, il y a un projet qui dort. Ce titre, il a été énorme, quand même, Roule le Pepelos, hein. Bah ouais, faut rouler. Il y a le 2 qui va être ça, on a fait le 2 dans le projet qui sortira ultérieurement. Ouais. Alors, t'es toujours avec tes gars du 45 LS? On pense à 2000? Toujours, ça bouge pas. Sauf que 2000, lui, il s'occupe un petit peu plus du côté textile, parce que tu sais qu'on a fait une marque de vêtements. Ouais, je sais, ouais. Votre boutique, elle est où déjà? On va dire aux auditeurs. Donne l'adresse. Elle est où la boutique? La boutique, elle est 1 rue de la Pierre Percée à Orléans, juste en face de l'empreinte hôtel. Voilà, c'est pour ça. Ceux qui connaissent. Voilà, une belle boutique, je salue au passage le 45 LS, voilà, tous les gens. Merci pour la casquette, j'ai vu que t'as la casquette. Ouais, t'as vu, hein, je suis honnête, et franchement, j'ai mis celle-là, j'ai dit tiens, je mets celle-là aujourd'hui. Et toi, je savais que tu me l'aies, mais je l'ai pas mis parce que tu me l'aies, hein. Mais celle-là, je l'ai depuis... Non, mais t'inquiète, je te regarde souvent, je sais que t'as le bonnet, t'as toute ta collection. J'ai tout, je passe des fois à la boutique, hein, voir 2000 et toute la famille. Pépé, alors les projets, la suite, là, le confinement, là, c'est un petit clin d'œil justement à ce qui se passe en ce moment, malheureusement, c'est triste. Et les projets, la suite de Pepelos, le rapport orléanais. Bah, la suite, déjà, la priorité, c'est qu'on sort de ce confinement et que le virus, il épargne le plus de personnes. Ouais. Et puis après, là, je te dis, moi, je suis dans mon label, j'ai ouvert un label où je produis un artiste. Ouais. J'ai aussi, à côté de ça, on a une activité où on fait des clips vidéo, où on fait des lifestyle, où on fait on vient filmer s'il y a des conférences, tout ça. Ouais. Et puis moi, je prépare un projet qui sortira au cours de l'année. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Ouais. Et beaucoup de choses, Pépé, de ton côté, quand même, hein. Ça fait beaucoup pour toi, non? C'est bien, c'est ce qui me permet, moi, je suis hyper actif, donc j'aime bien. Ouais. J'aime bien charbonner. T'as fait des featuring aussi avec Gradure notamment, hein, si je me trompe pas. Oui, avec Gradure. Il y a eu Dossé, l'Orléanais. Il y a eu Dossé, il y a tout plein d'artistes encore. Ouais. Aujourd'hui, Pépé. J'aurais pas de citer. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à ton palmarès. Ouais. Aujourd'hui, Pépé, s'il avait un rêve aujourd'hui à exaucer tout de suite maintenant, hormis le sortir du confinement, parce que ça, c'est tout le monde a cette priorité-là, tout le monde voudrait qu'on sorte du confinement. Ouais. Mais hormis ça, musicalement ou autre, ça serait quoi ton rêve aujourd'hui? Si t'avais une baguette magique et tu te dis tiens, je veux ça, tac, et ça arrive, ça serait quoi? Moi j'aimerais que mes enfants ils vont plus loin que moi, je suis parti. Ouais, parce qu'on arrive de loin, le 45 LS, hein, voilà, 45 la source, ça. Que je salue au passage. C'est ça. Confinement. Bonsoir, ce gros big up. Alors ce que je voulais dire aux gens qui nous écoutent et puis qui nous regardent en moment, je vais démarrer avec ça à chaque fois maintenant le matin. C'est pas mal, hein. Ah c'est lourd, bref. Ouais. En plus, surtout que j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'y a rien qui change en fait. Donc, voilà, c'est ça, comme ça. Comme ça, je peux la mettre tous les jours. Et en plus, je travaille pas le dimanche. Bon, c'est pas grave, hein, je suis de la. De toute façon, c'est même plus quelle journée. Je sais même pas si on est mercredi ou truc, c'est fou. Alors, toi, tu fais beaucoup de sport, Pépé. Hein, je sais que tu fais beaucoup de sport, beaucoup de muscles, beaucoup de cardio. Non, Beaucoup de cardio surtout, beaucoup de muscles aussi qui va avec, mais surtout beaucoup de sport, parce que le sport en général, il y a plein d'activités, mais beaucoup de sport, j'aime le sport. Ouais, ça enlève le stress aussi, hein, peut-être. Bah ouais, ça enlève le stress, ça permet de penser à autre chose, et puis c'est surtout un bien-être. Ouais, c'est vrai, un bien-être, ouais, ça c'est clair. Pépé, avant de se quitter, un dernier message à faire passer à tout le monde. Ouais, à toutes les personnes qui t'écoutent, bah bon confinement à vous. Ouais. Voilà, on traverse le mauvais espace, et Dieu il est grand, et je pense que tout est écrit. Et que ça va passer. Bah, j'espère, en tous les cas. On t'écoute. Ouais. Enfin, Dieu t'écoute, en tous les cas, ouais. Pépélos. Merci, okay, Pépélos. Et puis, tous les jours, le confinement, il sera avec nous. Merci, mon Pépé. Et puis, grosse force à toi, tiens, on va écouter Gradure avec Pépélos. Mi amor. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Love. Ciao, la famille. Ciao. Ça me fait vraiment plaisir, mon Pépé. De tous les jours, elle me casse les couilles. C'est toujours pareil. Tous les jours. Tous les jours. Bon, salut Christelle. Salut Stéphanie. Salut Stéphane. Salut José. Vous êtes là, nombreux, nombreux, nombreuses. Voici Pépé Los et Gradure. Mi amor, m'en veux pas. Je suis love, mais je parle pas. Alors tu m'attrapes de questions. Je me braque, je réponds pas. Un jour, je suis là. Un jour, pas là. Au fond, tu comprends pas, tu fais des films, tu dors pas, alors tu sens la tâte pas. Mi amor, t'en fais pas, Inch'Allah, ça ira, je te ferai faire le tour du monde en Porsche pendant mes rages, je suis un thug life, forever. Pardonne-moi mes erreurs, t'es ma diva, mon âme sœur, si on a des yeux, mais près du cœur. Mi amor, ne pleure pas, y'a des hauts et des bas. Je suis monté au casse-pipe, chercher des liasses de scalpa. Et si tu tombes sur cette lettre, et demain je ne reviens pas. T'es mon bien-être, les mots ne suffisent pas, mi amor. Mi amor, mon cœur est noir mais tu me l'adorais. J'ai des soucis dans la tête, s'il te plaît, laisse-moi pas tomber avant que tout ne parte en fumée. Mi amor, mon cœur est noir mais tu me l'adorais. C'est du bon, ça Gradure avec Pepelos. Mi amor, on vous souhaite une très très bonne matinée. Il sera au téléphone avec nous dans moins de 8 minutes. Il est grutier, il est putain 25 mecs de haut. Eh bien, il nous racontera un peu son confinement. Et il a repris le boulot aujourd'hui. Bougez pas, on sera 25 mecs de haut en direct avec notre grutier Ludovic. Salut Décathlon qui est là. Salut Ingrid. Salut Catherine. Bienvenue la famille. Salut les zinzins en direct. Chez moi, à la radio. C'est la vie. Dans moins de 3 minutes, il est avec nos téléphones. En direct de chez Franky Radio, le confinement, c'est autrement. Alors, justement, le confinement, il se passe comment chez vous? Vous pouvez m'appeler, c'est sur la ligne directe. Dans moins de 5 minutes, il sera au téléphone avec nous. C'est Ludovic, il est grutier, il a repris le travail aujourd'hui. Il est plus de 25 mètres de haut en ce moment. Il va nous appeler et nous expliquer comment se passe la reprise, comment se passe le confinement pour vous. Et puis vous aussi, de l'autre côté de la radio, vous pouvez nous appeler. Le numéro, il est là, 07 87 07 82 01. Axel Red, sensualité, et puis en direct avec nous, Ludovic. Là. Salut Séverine, salut Alexandra, salut Laetitia. C'est bon, on peut s'embrasser, je suis propre. Ah bah allez-y alors. Il arrive au téléphone dans moins d'une minute. C'est Ludovic, il est grutier, il est à 25 mètres de haut en ce moment. Salut Sabi, salut la Zinzin Family. Il sera avec nous dans moins d'une minute au téléphone, la famille. En direct de chez Franky Radio, le confinement, c'est autrement. Ah ouais, le confinement, c'est autrement. Je vais vous saluer là, vous venez d'arriver, Laetitia. C'est bon, on peut s'embrasser. Je suis propre maintenant. Bah voilà, allez embrasser Laetitia. Séverine, très bien. Moi aussi ça va très bien. Salut Sabi. Salut les Zinzin Family. Bonjour la Zinzin Family qui venait d'arriver. Salut Didier Verchère qui est connecté. Salut Pépé, ah, encore là. Salut Edouard, vous êtes nombreux aujourd'hui. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Dans moins de quelques secondes, là, on va voir... au téléphone notre ami Ludovic qui est grutier, qui est perché à 25 mètres de haut, et ça c'est énorme. Ouais, ça va être énorme de l'avoir au téléphone. Alors du son qui arrive, on aura un Culture Beat avec Mr. Ren pour les anciens. Ça va nous rappeler quelques souvenirs. Eh ouais, forcément, le meilleur des souvenirs. Et puis vous, le côté de la radio qui vient d'arriver, on vous souhaite une très très bonne journée. Salut la famille. Allez, Mr. Ren, et puis on prend Ludovic au téléphone. Call him Mr. Wrong, call him Mr. Vain. j'adore les directs de la radio, plutôt qu'on prend Ludovic au téléphone avec nous. Ludovic, il est grutier. Bonjour Ludovic. Ouais, salut Francky, tu vas bien? Comment tu vas bien aujourd'hui? Ça va et toi? Ouais, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, je t'ai contacté, ça bah, oui. Pas. Ouais. Ludovic, tu es grutier toi, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Quel beau métier, grutier. Alors, on peut expliquer un peu aux gens qui nous regardent ce que c'est que le métier de grutier. Moi, je ne savais pas au début, mais j'ai appris avec toi. Ouais, quand je t'ai passé à la radio, une fois, oui. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi le métier de grutier? Explique-nous un peu. Ou explique aux gens, plutôt. Bah, ça consiste à alimenter en matériel le chantier par le dessus, quoi. Ah ouais, d'accord. Par le dessus, en fait, avec une grue, voilà. tu déposes du matériel. Voilà, voilà. Ouais. Ah ouais, quand on fabrique voilà, des, ça, grands, voilà. des grands trucs, des grands... Ça, ouais, c'est pas mal. Voilà, ça. C'est ça, voilà. Ok. Voilà. Alors, toi, tu as repris le boulot aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On l'a repris ce matin, ouais. Ça faisait combien de temps que tu étais en arrêt, enfin, en confinement, toi? Depuis le 17. 17? Ah ouais, quand même. Donc ça. Ouais. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui de reprendre le boulot? Tu m'as dit quoi, Francky? Est-ce que tu es heureux de reprendre le travail aujourd'hui? Bah, un peu l'apéro au ventre, je te rassure. Ouais, pourquoi l'apéro au ventre par rapport à quoi? Parce que là, t'es isolé quand même, toi. Par rapport au virus, c'est ce qui se passe, quoi. Ouais, mais t'es tout seul, là, dans ta grue. Ouais, je suis seul, moi. Ouais, tout seul. Et justement, ouais. Tout seul, donc bien protégé, quand même. Non, c'est on est pas beaucoup, on est très peu au chantier, hein, du fait qu'on est encore, comment dire, en confinement, on n'est pas beaucoup sur le chantier, quoi. Pour pas qu'il y ait de gens qui sont trop pas les uns des autres. Ah ouais, d'accord. Tu m'as envoyé une photo, là, du chantier, en bas, c'est 2-3 mètres de sécurité pour tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est minimum 2 mètres, hein, oui. Ouais, d'accord. Alors, minimum 2 mètres, hein. Ça te fait quoi de reprendre le travail aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même un plaisir? Parce qu'il y a un manque quand même quelque part. Hein. Oui, ça fait du bien de retrouver sa rue, mais voilà quoi, c'est. Bon, faut se protéger après, voilà, on se protège au maximum, on fait attention à tout, et puis voilà quoi. Ouais. Bon, on est équipé aussi, hein, des gants, gel hydroalcoolique, tout ça, on est équipé, hein, fourni par l'entreprise, hein, c'est pas. Voilà. Ouais. Ça fait combien de temps que tu exerces ce métier, Ludovic? Ça fait 10 ans. Ah ouais, quand même, 10 ans de grutier. Ouais. Ouais. Alors, tu m'as envoyé une photo, je vais la poster sur Facebook, je l'ai postée, une belle photo où tu es en... Ouais, j'ai vu, oui, c'était la réunion de chantier du matin, où on voit bien que les gens sont séparés, quoi, voilà, il y a une distance à respecter, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Tu termines à quelle heure? Il y a un protocole à respecter, quoi. Ouais, exactement. Tu fais des journées de combien d'heures, toi? Ouais, 8 heures. 8 heures, d'accord. Et là, tu termines à quelle heure aujourd'hui? Là, je vais manger à midi, puis je finis 5 heures. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu me dis, je vais manger, mais tu manges dans ta grue, hein? Ouais, bah là, comme il y a confinement, on peut pas manger ensemble, je préfère manger dans ma cabine. T'es tout seul à 25 mètres, tu manges tout seul à 25 mètres, c'est énorme quand même. Ouais, c'est... ouais, bah d'habitude on va à la cantine ou au restaurant, mais là, tout est fermé, donc on mange sur place. Ouais, quand t'as démarré le métier de grutier, là, aller si haut, à 25 mètres, là notamment, ça, oui. T'as pas le vertige, t'as pas la trouille quand même à un moment? Non, ça va. Je voulais faire ça et puis voilà, j'ai pas hésité à monter. D'accord. Il y a des mesures de sécurité à respecter sur le vent, etc. Quand tu montes dans la grue avant de monter, par exemple. Ouais. Il y a des sécurités à respecter. Oui. Combien de kilomètres heure le vent? 72. Au-dessus de 72, on arrête. Ah, au-dessus de 72 km heure, on arrête le. Voilà, on arrête. Il y a des risques, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est risqué. Voilà, c'est dangereux. Voilà. Et des fois, tu te poses pas la question, putain, si la grue elle tombait, par exemple, non, Ludovic? On essaie de pas y penser, faut quoi. Faut pas y penser, mais moi j'ai le vertige, par exemple. Moi, je pourrais pas monter dans une grue, toi. En ce moment, là, t'es à 25 mètres, tu nous parles à 25 mètres dans la grue, tu bosses. Et moi, je pourrais pas, j'ai le vertige, par exemple. Toi, t'avais le vertige à la base, ou alors tu savais pas du tout où t'allais? Non, pas du tout, j'ai pas le vertige. Non, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, ouais. Ouais. Et avec le temps, bah, tu t'y fais, ouais. Exactement, Francky, exactement. Ouais, d'accord. On te souhaite un bon appétit, hein. On va te laisser manger quand même, parce que c'est l'heure, hein. Ouais, non, mais c'est, là, je travaille encore un petit peu, là, puis voilà, après, je vais manger tranquille. Ouais. Alors, c'est quoi? Donc, tu déposes du matériel d'un point A à un point B, c'est ça, hein? C'est ça, voilà. Voilà. On m'accroche du matériel d'un point et j'emmène où on me demande, quoi. Je respecte ce qu'on me demande, quoi. D'accord. Donc la relation, c'est quoi? C'est par radio de haut en bas ou... Par radio. Voilà. Takiwalkie ou geste de commandement. Ok. On dit à droite, à gauche, Motsa là-haut, c'est ça? Voilà. Et vous faites des petites blagues. Il y a des petites blagues des fois au téléphone comme ça, par radio, quand toi t'es en haut de la grue et lui il est en bas, non? Des petites blagues? Ouais, ça arrive, oui, bien sûr. Ça arrive qu'on te fasse des petites blagues, qu'on t'accroche des trucs un peu bizarres. Non. Ouais, c'est ça. Bon, c'est, il faut bien garder le moral quand même. Il faut rigoler un peu, quoi. C'est bien. En tout cas. Mais en restant sérieux, quoi. Bien sûr, faut faire attention aux mesures de sécurité, Ludovic. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, merci de nous avoir consacré quelques minutes en haut de ta grille. Ouais. Je rappelle. Et puis, une grosse pensée aux services hospitaliers privés et publics en ce moment qui ont un boulot phénoménal. Quoi. Ouais. On leur passe. Une grosse pensée pour eux, quoi. Tout le monde, pour ceux qui galèrent en ce moment. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview à 25 mètres de haut, parce que là, t'es à 25 mètres. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. C'est ça, bon, qui veut. Bah, je suis content d'être à 25 mètres de haut. Je pourrais jamais venir faire l'interview en direct parce que j'ai le. Moi, j'ai le vertige. Je pourrais pas. Hein. Si tu viens au chantier, je descendrai, c'est bon. Ah, tu descendras, y a pas de problème. Merci de nous avoir consacré ces belles minutes. Bah, de rien, Francky. Merci à toi. Merci, et puis bon appétit. Hein. Bonne journée, merci. Bonne journée à tout le monde. Salut la famille. Ah, ça me fait plaisir d'avoir des gens comme ça au téléphone. Ils sont sympas, non? Allez. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Ah ouais, le confinement, c'est autrement. Salut nos amis coiffeurs, David. Tiens, David, qui est coiffeur, salut. J'espère que ça se passe bien, la coiffure, pour toi. C'est compliqué aussi, hein, pour tout le monde, je pense. Jean-Pierre Gabel, qui est là. Bonjour, Jean-Pierre Gabel. J'espère qu'il va bien, Jean-Pierre. Si vous voulez nous appeler avant midi 15, c'est ce sur le numéro qui est sur l'écran, là, le 07 87 07 82 01. Bon appétit à tous. Dans moins de 10 minutes, on va y aller. Et puis du son qui arrive tranquillement. Un petit remix à la Francky, tiens. Full sentimental. En direct, là. Salut Pascal qui est là, salut Laetitia qui me fait des bisous, Francky, bisous, salut Pascal aussi qui est là, merci d'être là pendant une heure avec nous, avec plein d'invités, et ça nous fait plaisir. N'oubliez pas de prendre votre attestation, ouais, voilà. Bon, salut Fred, la famille, on est là. Hein. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Ouais, le confinement, c'est autrement. Puis je voulais faire un petit hommage avant de nous quitter à midi 15 au chanteur Patrick Frankfort qui est parti. Ouais, le chanteur que vous avez connu certainement dans les années 80. Le groupe s'appelait les Gibson Brothers. Et Cuba, ouais, bah il nous a quitté, le Martiniquais. On voulait lui faire un petit clin d'œil aujourd'hui à Patrick, voilà, chanteur des Gibson Brothers. Des bons souvenirs disco de l'époque avec Cuba. Et bien on va s'écouter sur votre radio, Francky. Salut la famille. We'll be right back. 11h midi avec du son et plein de choses pour vous. Merci à vous en tout cas. Merci de votre fidélité et je vous dis à demain. Ciao.